France Info. France Info. Info Science avec Daniel Fievé, bonjour. Bonjour Mathilde. Faire le tour du monde en ULM pour aller aider des scientifiques dans leur travail, telle est l'aventure que viennent de réaliser Clémentine Bacry et Adrien Normier. Oui, c'est une grande et belle aventure que vient de vivre ce jeune couple. Clémentine Bacry, 27 ans, avocate au barreau de Paris et du Luxembourg. Adrien Normier, 30 ans, pilote de ligne. Tous deux ont décidé de mettre leur vie professionnelle entre parenthèses et de partir pendant plus d'un an à bord d'un avion ultra léger pour aller offrir un appui aérien à des chercheurs qui en avaient besoin dans leurs travaux sur le terrain. Après 14 mois de voyage, 60 000 km parcourus et 35 pays visités, les jeunes aventuriers ont atterri le 17 juin dernier au Salon du Bourget. Alors ils sont passés assez inaperçus, hein. Le comité d'accueil s'est résumé à leur famille et leurs amis. Il faut dire que leur petit avion faisait figure de moustique au milieu des gros appareils présentés au Salon du Bourget. Et à quoi il ressemble justement ce petit avion ? C'est vraiment un tout petit engin, hein. Fait de plastique et de carbone. Il pèse 300 kg, c'est-à-dire un peu moins qu'un cheval. Deux places, pas une de plus, l'appareil ne permet pas d'emporter plus de 25 kg de bagages, tout compris, hein, les deux tiers de ce poids étant occupés par le matériel de survie et le matériel informatique. Eh bien, nos jeunes aventuriers avaient droit à 4 kg chacun pour leurs vêtements et leurs trousses de toilette. C'est pas beaucoup, hein. Oui, c'est vrai, pas beaucoup. Un peu contraignant, mais au moins, leur mode de transport était assez économique, hein, une consommation de 6 litres pour 100 km pour une vitesse moyenne de 200 km/h. Et quel genre d'aide ont-ils pu apporter aux scientifiques avec cet avion ? Alors, ils ont par exemple eu l'occasion de survoler à plusieurs reprises des volcans comme le Vulcano et le Stromboli en Italie, ou plus tard l'impressionnant Krakatoa en Indonésie. À chaque fois, les scientifiques leur avaient demandé de réaliser un modèle tridimensionnel, une image en 3D si vous préférez, du sommet de ces volcans. Les images réalisées ont aidé les chercheurs dans leur étude géomorphologique de ces volcans. Et puis Clémentine Bacry et Adrien Normier étaient également équipés d'un petit spectromètre à bord de leur avion, un appareil qui leur a permis de faire une estimation de la quantité de dioxyde de soufre qui émanait du Krakatoa. Et à la surprise des scientifiques, eh bien, leurs mesures ont révélé que ce volcan est le plus gros émetteur de dioxyde de soufre de tous les volcans indonésiens. Voilà comment, à leur manière, le jeune couple a contribué à faire avancer la connaissance de ce volcan, pourtant déjà très étudié. Et ils n'ont pas aidé uniquement des géologues ou des volcanologues pendant leur tour du monde. Non, ils ont aussi aidé des biologistes. Leur caméra infrarouge a permis d'étudier les habitudes nocturnes des manchots en Australie. Ils ont aussi prêté main forte à des scientifiques canadiens qui étudient les baleines dans le golfe du Saint-Laurent. Les chercheurs leur avaient demandé de repérer les bancs de baleines depuis leur ULM. Ils ont pu en localiser et indiquer leur position aux scientifiques qui, eux, étaient à bord de leur bateau. Le survol du golfe du Saint-Laurent a également permis de localiser depuis le ciel des excréments de baleines, longues traînées orange vif. Ça peut paraître anecdotique, mais pour les scientifiques, ces déjections sont une mine d'informations. Leur analyse donne des renseignements sur le régime alimentaire des cétacés. Mais bon, les scientifiques ont rarement la chance d'être au bon endroit, au bon moment, pour prélever ces échantillons d'excréments. Le repérage aérien leur a donc permis de se rendre immédiatement en bateau, là où la baleine avait fait ses besoins. Des géologues, des biologistes, mais ils ont aidé également des archéologues au Pérou. Oui, ils ont découvert des géoglyphes vieux de 5000 ans. Alors les géoglyphes, ce sont des grands dessins réalisés à même le sol avec des pierres que l'on peut observer depuis le ciel. Beaucoup sont connus aujourd'hui, mais Clémentine Bacry et Adrien Normier en ont découvert de nouveaux qui n'avaient jamais été photographiés auparavant dans le désert péruvien sur le site archéologique de Caral. Ils n'ont pas connu que des succès. Un paléontologue de Melbourne en Australie les avait sollicités pour repérer des traces de dinosaures depuis leur avion et ils n'ont pas réussi à en découvrir de nouvelles, à la grande déception d'Adrien Normier. Mais il a largement de quoi se consoler avec tout ce qu'il a vu et découvert en compagnie de Clémentine Bacry pendant ses 14 mois de tour du monde en ULM. Si vous voulez en savoir plus sur leur voyage, vous pouvez d'ores et déjà découvrir quelques-unes de leurs aventures présentées sous forme de petits reportages vidéo sur le site d'universcience.tv. Un documentaire plus conséquent est en cours de préparation. Il sera diffusé sur la chaîne Planète Plus Thalassa. Et on mettra toutes ces références sur notre site franceinfo.fr. Merci beaucoup Daniel Fievé pour InfoScience.